Ça va? Bien, bien. Vous avez pété? Vous avez pété, vous m'avez laissé, non? Ça va? Hier, tu n'étais pas avec moi. Tu nous as pas fait. Qui a dit que tu n'étais pas avec vous? Donc, tu es sûr que tu n'étais pas là? Tu es sûr? Donc, tu étais là. Rien là. Donc, tu m'avais vu. Non, mais tu étais là en esprit. Comment tu parles en esprit? T'as besoin de manger en esprit. Élevons la voix et remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore parmi les vivants aujourd'hui. Malgré les difficultés, malgré tout ce que l'ennemi a pu faire, le Seigneur nous a maintenus vivants et nous a permis de nous réunir ici ce jour. Disons du merci. Tendre Père, merci pour ta grâce, pour ta bienveillance, pour ta miséricorde, pour ta bonté dans nos vies. Malgré tous les péripéties, Seigneur, de l'ennemi et toutes ces tentations, tu nous as maintenus vivants. Tu nous as ramenés ici et tu nous permets d'écouter ta voix. Dieu, nous t'en sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais, et même au-delà, et tout ce que nous ne pouvons même pas mentionner, et peut-être nous que nous ne connaissons même pas. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci. Demandez au Père qui vous donne la grâce afin que le nouveau départ que vous avez pris avec lui et les décisions que vous avez prises soient maintenues par son esprit. Que vous marchiez en nouveauté de vie, de sanctification en sanctification. Priez, priez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Père, je soumets nos cœurs entre tes mains. Je soumets, Père de gloire, le cœur de quiconque entend et est sous l'influence de cette voix entre tes mains. Je prie que tu donnes la part de chacun et que tu diriges nos cœurs toujours vers toi. C'est toi qui règles nos vies et qui régularise nos cœurs. C'est toi qui formes nos cœurs à nous tous et qui sait quand nous nous couchons, quand nous dormons, quand nous nous levons, quand nous marchons. Et on ne peut rien faire sans toi, Père. Dirige nos cœurs vers toi, notre âme vers toi. Afin que lorsque nous écoutions, Père, que nous mettions cela en pratique. Nous marchions dans tes voies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Levons-nous, levons-nous. Je suis dans votre service. Comment était votre fête par ici? C'est malaise. C'est bien. Tu as bien mangé. On a bien mangé, ça c'est que. On rentre, chacun ne respire plus. Ouais. Chacun a même pu marcher. Ils ont des chaleurs aussi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça te fait? Tu étais là aussi? Oui, j'étais là. On t'a lavé aussi les pieds. Tu n'avais pas honte qu'on te lave les pieds? Mais honte qu'on me lave les pieds. Je n'ai pas honte. C'est, okay. C'est de Dieu. Mais quand tu étais chez le témoin de Jéhovah, il faisait ça. Non. Il disait quoi? Il ne faisait même pas allusion à ça. Il disait seulement. Une commémoration de la mort de Christ. Le mémorial. Le mémorial. Mm-hmm. Donc ça veut dire que parce qu'il y a parmi les 544 000. Quand tu étais là, tu avais mangé ça. Pardon. Quand tu étais chez toi, tu avais mangé ça. Jamais. Non? Est-ce qu'on mange ça là-bas? Oui, ils posent donc ça. Ils font comment? Un certain nombre de personnes. Bon. Quelle est la condition requise pour prendre ça là-bas? Pour prendre ça là-bas, il faut être parmi les 144 000. Donc, okay. Les 141 000, c'est les saints. Donc, les gens qui n'ont pas connu le péché, Bon, et là, tu étais sûr que tu n'étais pas parmi les 144 000, donc tu ne mangeais pas toi? Je ne mangeais pas. Bon, si tu te levais et que tu allais là-bas devant pour prendre, on devait te refuser. Oui, ils devaient même me chasser. Ils allaient me dire que tu n'es pas. Parmi les 144 000. Mm-hmm. Donc ils connaissent tous ceux qui sont venus, 144 000 alors. Ils ne les connaissent pas, mais ils disent qu'ils savent par rapport à leur façon de vivre, leur comportement. Donc, moi, donc en regardant les comportements, ils peuvent savoir que celui-ci sont parmi les 144 000. Donc ça veut dire que parmi les 144, parmi les gens qui sont là-bas, ils savent que si telle personne ou telle la personne qui vit là, ça montre qu'ils sont pas venus de 144 lignes. Ok. Et quand tu étais là-bas, tu croyais ça? Je croyais à ça. Qu'est-ce que tu en dis maintenant? En tout cas, ma chose, c'est difficile. Même quand j'étais au gymnase, quand j'ai eu. Tu entends ce qu'elle dit? J'ai discuté. On a un peu baissé le ton. Quand j'ai discuté avec maman, on a essayé d'aborder ça. Bon, comme ça, ça me prit une autre ampleur, j'ai laissé. Avec la maman qui était venue jouer. Ma maman. Elle était venue jouer toujours. Hein. Ma maman, mes frères, toute la famille. Bon, on va lire quelque chose, d'accord? Donne-moi une Bible alors. Donc ça c'est la. Ça c'est en anglais ça. Où est ta Bible à toi? Ok. Donc on travaille rapidement et puis on arrête aussi rapidement, n'est-ce pas? On va lire sans. On va dire des choses, d'accord? Donc, on voit effectivement que les témoins de Jéhovah mentent, n'est-ce pas? On peut dire clairement qu'ils mentent. Et c'est ce qu'on va établir une danse. Les témoins de Jéhovah mentent. Réserve ça pour une catégorie. Oui, on va voir. Les témoins de Jéhovah, on va voir que les témoins de Jéhovah mentent au sujet de ces 144 000. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et c'est là où on voit effectivement que quand une doctrine est fausse, une doctrine biblique est fausse, ça va s'enchaîner avec d'autres fausses doctrines. Parce qu'une doctrine biblique est soutenue par une autre doctrine biblique. Une autre doctrine biblique et une autre doctrine biblique. Par conséquent, si une est fausse, pour que tu maintiennes cette fausseté, il va falloir que tu fausses l'autre. Il va falloir que tu fausses encore l'autre, tu fausses encore l'autre pour que ça sous-tend un peu ta fausseté. Donc on va voir effectivement que si on touche cette doctrine-là, ça va toucher autre chose et autre chose. Je veux une Bible tout simplement. Ouvrez en temps, ouvrez Apocalypse. Merci. Apocalypse chapitre 7. D'abord, notez Apocalypse chapitre 7. Notez. La sœur Elsa, tu es content, on t'a lavé les pieds aussi. Tu étais content, tu voulais pleurer même comme tu es trop forte là. Tu es rentré, tu as dit que papa. Je n'ai pas pleuré, j'étais dans la joie. Mais tu n'as pas pleuré de joie. Tu as pleuré comment? J'étais dans la joie de manger le repas du Seigneur. Même comme la prophétie est sortie, terrible. Ah, donc il faut craindre. Et la fin, il y avait le cœur. Il y avait l'amour. On n'a pas pensé à moi. Nous, on a pensé. Tu m'as souhaité bonne fête. Mais c'est ce que vous pensez que je devais être ici, n'est-ce pas? Mais j'étais là aussi. Apocalypse chapitre 7, notez. Chapitre 14 aussi. On y va. Notez aussi 1 Corinthiens 11. Et Jean chapitre 13. Notez Exode 12. Et Exode 13. On va lire jusqu'à ce qu'on va voir quelque chose. Quand on va lire l'Exode, je vais vous dire encadré. Et puis on va se regarder. Dans les yeux, on va se dire des vérités. D'accord? Voilà. Notez Actes chapitre 15. C'est mieux qu'on lise d'abord Actes chapitre 15 avant d'avancer dans l'Apocalypse. Actes chapitre 15. J'ai oublié ma Bible à la maison, donc permettez-moi d'ouvrir cette Bible de cette personne-ci. J'ai dit quel livre déjà? Actes chapitre 15. Voilà. Wow. En fait, tu as souligné dans ta Bible comme ça, c'est fort. Actes des Apôtres chapitre 15. Voilà. Bon, maintenant, dans les Apôtres chapitre 15, il est question de la réunion qui s'est passée à Jérusalem, n'est-ce pas? Maintenant, je vais lire à partir du verset 3 rapidement pour toucher le point. Après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, Actes chapitre 15, tu y es? C'est pas ça? Il dit à partir du verset 3. Après avoir été accompagné par l'église, il poursuivit leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et il causait une grande joie à tous les frères. Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'église, les apôtres et les anciens, et il racontait tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit : « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît leur cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, écoutez maintenant bien ce que Jacques va dire. Jacques prit la parole et dit : « Homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. » Entre le verset 14. Maintenant, vous pouvez noter maintenant Ésaïe chapitre 43, le verset 10. Tout juste après le Actes des Apôtres, chapitre Actes des Apôtres, chapitre 15 là. D'après ce que Jacques a dit ici, il m'a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur la terre pour chercher, pour regarder un peuple qui porte son nom. Ici, dans les témoins de Jéhovah disent qu'ils sont le peuple de Dieu parce que c'est eux qui portent le nom de Jéhovah. Donc ils disent que c'est le peuple de Jéhovah maintenant. Et la seule possibilité pour être sauvé, c'est d'être dans l'âge, comme au temps de Noé, il fallait être dans l'âge de Noé pour être sauvé. Il faut maintenant être parmi son peuple. C'est pour ça qu'ils se mélangent avec la chrétienté. C'est ce qu'ils disent. N'est-ce pas la soeur hein? Et donc dans Ésaïe chapitre 43, le verset 10, ils disent que, comme Dieu a dit que vous êtes mes témoins, ils disent donc selon lui, là où est ici le nom, témoin de Jéhovah, bien que précédemment ils s'appelaient les étudiants de la Bible. Maintenant, ceci, je suis en allé quelque part. Ça veut dire dit clairement. C'est pour ça que l'une des doctrines, vous voyez ce qu'il disait tout à l'heure, que si pour qu'une doctrine soit fausse, qu'une doctrine qui est enseignée qui est fausse, doit être sous-tendue par d'autres doctrines qui sont fausses. Premièrement, les témoins de Jéhovah essaient d'occulter Israël naturel et physique qui est là et ils prennent la place d'Israël. Parce que ici, dans cet Actes chapitre 15, l'apôtre Jacques fait référence à Israël. Parce qu'ici, verset 15, verset 14, là, il dit quoi? Il dit. C'est votre Bible là. Et Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Les nations, ça veut dire les pays. Les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et vous voyez effectivement que Israël porte le nom de Dieu. Israël, ça veut dire le prince de Dieu. Vous voyez, Israël. Quand Dieu a regardé sur la terre, il a choisi son peuple, Israël. Il a choisi Israël avant de lever en nation. C'était un peuple. Avant, il leur a promis un pays qui allait leur donner le pays qui porte le nom de ce pays-là. Donc, le nom d'Israël, c'est le nom du peuple d'Israël. Le pays a été adopté avec le nom du peuple. C'est ce que c'est ici. Maintenant, il dit, avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Donc, il est clairement mentionné ici que Dieu en train de parler du royaume d'Israël. N'est-ce pas? Que Dieu va venir les réparer. Donc par conséquent, si Dieu dit que après cela, je reviendrai et je réparerai les ruines, ça suppose que la nation qu'il avait choisie va faire quelque chose, ils vont aller en ruine. Dieu va venir les réparer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Puis il dit, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Le reste des hommes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de l'autre côté de moi. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Donc il fait ici distinction entre la nation d'Israël et la nation païenne. Parce qu'il est question du fait que la nation d'Israël observait la loi de Moïse. Et ils se rendent compte maintenant que le Dieu d'Israël est entré parmi les nations. Et donc, ils ne savent pas comment faire pour qu'il y ait l'harmonie entre, puisque c'est le même Dieu, entre ceux qui sont dans ces nations qui invoquent le nom de Dieu et leur Dieu à eux, puisque c'est le même Dieu qui sont invoqués. Ils voulaient l'harmonie entre les croyances. Maintenant, ils ne savaient pas que le Saint-Esprit devrait faire le l'œuvre et c'était dans le programme du Saint-Esprit. Et donc, ils voulaient arranger ça pour que. Ils croyaient que le fait qu'on prêchait aux païens qui se convertissent, c'était pour qu'on se convertisse au judaïsme. C'était pas à la religion juive, non. C'était le retour au cœur de Dieu. C'était la relation entre l'homme et Dieu, pas la relation entre une nation et Dieu, une façon de religion. D'accord? Donc ici, nous voyons clairement qu'il est question d'Israël. Maintenant, allons dans Ésaïe chapitre 43 pour voir encore une fois de plus. Pendant que vous y êtes, notez aussi Romains du chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. On va faire un détour par là-bas. Romains du chapitre 9 au chapitre 11. Merci Père. Les témoins de Jéhovah mentent au sujet des 144 000. C'est ça dont on va voir maintenant. Les témoins de Jéhovah mentent au sujet des 144 000. Ésaïe chapitre 43. Mon frère, il y a beaucoup de choses dans ta Bible. Donne-moi une autre Bible. Cette Bible-ci là, il a mis tellement de documents là-dedans. J'ai du mal à manipuler parce que les choses ne font que tomber là. Voilà. Ah, ma maman chérie. Que Dieu te bénisse. Voilà. Ésaïe, le chapitre 43. Pendant que vous y êtes, notez aussi Jérémie, chapitre 31 et 32. Nous allons voir quelque chose ce soir. C'est ça que je suis étonné. En tout cas, quand vous lisez les différents tomes des récits sur les Écritures, vous voyez vraiment que Chantal Roussel a fait vraiment naufrage depuis le début. Vous êtes souvent surpris comment quelqu'un commence de faute en faute, il ne fait que s'enfoncer. La présence de Christ, que les découvertes modernes, les découvertes scientifiques qui ont eu lieu font état de la présence de Christ, comme si la présence de Christ est manifestée par les recherches scientifiques. Alors c'est pour ça que vous voyez, l'année 1914 a des significations bizarres chez les femelles juives. Quand ils donnent cette année, ils interprètent comme ça, ça ne donne pas, après ils donnent la même année pour une autre chose, après ils donnent la même pour une autre chose. Chapitre 43, le verset 10 qu'ils disent que c'est là qu'ils ont pris le nom de Jéhovah. D'accord? Déjà, il y a un enseignement pour montrer que Jéhovah n'est pas le nom de Dieu, c'est le nom des dieux des femmes maçons. D'accord? Maintenant, verset 1. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô témoin de Jéhovah. Vous êtes le verset 1, n'est-ce pas? Voilà. Amen. Amen. Voilà. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô témoin de Jéhovah. Celui. Mais tout à l'heure, vous avez dit Amen à haute voix, non? Tu n'as pas dit Amen. Quand je sens de lire, j'ai fait l'effort de lire pour que vous saisissiez ce qui est dit. Donc, suivez. Qui t'a créé, ô témoin de Jéhovah? Celui qui t'a formé, ô qui? C'est qu'est-ce qui est écrit? Ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Entouré Jacob et Israël. Voilà. Donc, ici, l'oracle est allé s'adresser à qui? Au peuple d'Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Donc, vous voyez effectivement que c'est ce que Jacques venait de dire ici, que c'est son peuple à lui. On a lu ça dans Actes chapitre 15 tout à l'heure. Verset suivant. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc c'est le Dieu d'Israël. Le Saint, c'est bien écrit là-bas. Le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Donc une nation. Donc c'est une nation, il peut détruire une nation, la nation d'Égypte, pour pouvoir garder Israël. L'Éthiopie et Saba est à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Donc Israël a du prix aux yeux de Dieu. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Soulignez de l'Orient ta race. Donc on voit effectivement que sa race devait aller à l'Orient, n'est-ce pas? L'Orient, ça veut dire c'est à l'Est, pas vrai? Tandis qu'à l'Est, il devait aller quelque part. Puis il dit, et je te rassemblerai dès l'Occident, donc de l'Ouest. Je dirai au septentrion, c'est-à-dire au nord, donne, et au midi, c'est-à-dire au sud, ne te retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom. Vous y êtes? Et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds, c'est une prophétie maintenant, et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux annonçait ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point d'autre été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point de Dieu. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il en a dit ici? Il donne une prédiction qui va venir sur la terre, que son peuple ira, qu'ils vont se disperser, parce qu'on voit effectivement qu'il parle de Septentrion, de l'Orient, de l'Occident, du Midi. Donc son peuple qu'il a créé, il a dit qu'il peut donner l'Égypte, il va donner l'Égypte même pour se voler dans son Éthiopie, le sabbat. Sa sabbat pour, et même les hommes pour parce qu'il l'aime, parce qu'il aime. Dieu aime Israël. D'accord? Maintenant, quand Dieu dit cela, il appelle à témoin, il dit que voici les prédictions, les premières prédictions qu'il dit. Que s'il y a parmi vous des dieux qui a fait ces prédictions qui produisent, vous au moins vous êtes témoins parce que la loi a été donnée à Israël. L'apôtre, quoi, le prophète a dit de parler à Israël, il dit, écoute Israël. Il parle à Israël. Il dit donc que vous êtes témoin. Parce que vous êtes témoin que c'est moi qui ai dit ça. J'ai d'abord dit ça. Il dit, vous êtes mes témoins. C'est parce que vous saisissez. Dieu appelle à témoin que, ok, vous avez lu ça dans un livre que un Dieu a prophétisé sur son peuple comme ça. Un Dieu a dit quelque chose comme ça. Donc il est prêt à question. Je lui dis comme ça, vous êtes mes témoins, afin que vous sachiez et que vous me craignez, que vous sachiez qu'en dehors de moi, il n'y a point d'autre. Voilà pourquoi Dieu dit que vous êtes mes témoins. Ici, les témoins de Jéhovah disent donc que. Dieu les a appelés que c'est eux les témoins de Jéhovah. Et comme les musulmans sont, ils vont prendre Hébreux chapitre 11. Là où on parle des nuées de témoins. Ils disent que même Jésus était témoin de Jéhovah. Abraham était témoin de Jéhovah. Moïse et tous les autres, tous là, étaient des témoins de Jéhovah. Parce qu'on a dit que les nuées de témoins, en les citant dans Hébreux chapitre 11. Vous allez chez les musulmans, ils font la même chose. Il dit que Abraham était le premier musulman. Même Adam était musulman parce qu'il était soumis à la volonté d'Allah. Et d'après la définition de l'islam, c'est celui qui est être soumis à la volonté d'Allah. Donc, un musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Et par conséquent, quand Adam dit que je te suis soumis, il veut dire qu'il est musulman. Donc pendant que les témoins de Jéhovah sont de dire que depuis Adam jusqu'à Jésus, tous étaient les témoins de Jéhovah, les musulmans sont en train de dire que depuis Adam jusqu'à Jésus, tous étaient des musulmans. Les mêmes personnes. Et vous voyez qu'on ne peut pas être en même temps musulman et témoin de Jéhovah. Et on ne peut pas non plus être musulman, témoin de Jéhovah et musulman. Or, remarquez très attentivement que chacun, c'est sur le jeu des mots que les gens utilisent pour le faire. Que veut dire musulman? Celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Donc, comme Adam était soumis à la volonté d'Allah, il est donc musulman. Jésus a dit que je viens dans la Bible, dans Jean chapitre 6, il a dit que je viens pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Par conséquent, il est soumis à la volonté d'Allah. Donc Jésus est un musulman. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Et donc Dieu donc dit de Jésus, qu'est-ce que c'est? Si quelqu'un rend témoignage, moi mon témoignage ne vient pas de vous. Donc Dieu lui m'a dit que Jésus est un témoin de Jéhovah. Finalement, Jésus, les apôtres là, ils vont là, les prophètes là sont des témoins de Jéhovah ou bien Mais quand vous allez demander que dans ce cas, pourquoi vous avez pris le nom des étudiants de la Bible avant que par la suite, vous avez maintenant pris, ils vont dire que non. Proverbe chapitre 4, verset 8 dit que la lumière de juste va croissant jusqu'au lumière du jour. Donc il y a la lumière plus. La lumière augmente. Ah, que Dieu nous vienne en aide, n'est-ce pas? Donc nous allons voir que les témoins de Jéhovah mentent au sujet des 144 000. Les menteurs. Donc vous voyez effectivement qu'on était à toucher les 144 000. Vous voyez là où ça nous a amené. Parce que c'est ce qui va nous entraîner là-bas. Parce que si on va à 144 000, on va voir que ça implique automatiquement Israël. Pour que les docteurs soient assis, il faut d'abord qu'ils détrônent Israël. C'est pour ça que dans les prédications des témoins de Jéhovah, vous allez voir effectivement qu'à jamais, ils ne considèrent pas Israël qui est actuellement comme Israël de Dieu. Ils disent qu'ils sont Israël spirituel de Dieu. Donc, comme Israël n'a pas reconnu son Dieu, Dieu a donc donné cela à notre peuple. En appelant maintenant son nom. Donc, c'est eux qui font la volonté de Dieu. En fait, ils ont une petite brochure qui traite, ils parlent de toute la chrétienté. Après, ils posent la question, qui parmi les peuples, parmi les peuples, parmi les gens de la terre font effectivement ce que Dieu dit là? Tout naturellement, c'est le témoin de Jéhovah. Souhaitez-vous vous réunir à le témoin de Jéhovah de votre localité, à l'intérieur, mettre des adresses, que ce soit à Cotonou, les adresses ici, à l'autre place ici. Donc, parmi les chrétiennes, le témoin de Jéhovah font la volonté de Dieu. Et par conséquent, ils peuvent sortir un livre jeune écrit, qu'enseigne réellement la Bible. Vous lisez du premier page jusqu'à la dernière page, c'est justement le contraire de ce que la Bible enseigne. Donc, normalement, le vrai titre de la Bible, de ce document, c'est ce qu'elle n'enseigne pas réellement la Bible. On peut avancer. Donc voilà ce qui est écrit là-bas. Maintenant, vous avez noté Romains du chapitre 9 au chapitre 11. N'est-ce pas? Nous allons lire, je vous ai demandé de noter Jérémie chapitre 31. N'est-ce pas? Alors, notez Jérémie chapitre 31. Donc, il est clair qu'à l'origine d'ici, Dieu est en train d'appeler à témoin son peuple à qui il a prophétisé pour montrer effectivement que vous êtes témoin parce que vous avez entendu ces oracles-ci. Pour que plus tard, quelqu'un ne vienne pas dire que c'était un autre Dieu qui avait parlé ou un autre Dieu avait la fesse là. C'est pour qu'il sache qu'il est le premier qui dit les choses, la fin d'une, et qu'on a la fin d'une chose avant le commencement. Et c'est lui qui organise l'histoire, le cours de l'histoire. C'est ce que Dieu a dit ici. Mais maintenant, si vous prenez le témoin de Jéhovah, vous dites, ok, est-ce que dans ce verset d'ici, tu crois que tu témoins de Jéhovah? Oui. Dieu s'adresse à qui? Il dit à Israël. Est-ce que tu es Israël? Il dit, non, c'est nous sommes les Israël de Dieu. Maintenant, allons au verset 25. Voyez ce qu'il a dit. Verset 25 de ce même livre ici. Regardez. Verset 22 à suivant. 22 à 26. Regardez. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, parce qu'au verset 1, il avait parlé de ces mêmes personnes-ci. Vous êtes, tu ne m'as pas invoqué, oh, Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Vous avez vu que le premier verset parlait de ô Jacob et puis ô Israël. Donc il s'adresse à la même personne. Puis il dit, tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je n'étais point tourmenté pour des offrandes et je n'étais point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Donc la personne à qui on a dit que vous êtes témoin, il a dit également que vous m'avez tourmenté par le péché. Tu dis que vous êtes témoin de Jéhovah, oui. Dieu t'a dit que tu es tourmenté chaque jour par le péché. Vous avez vu cela? Regardez, verset 25. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Donc les témoins de Jéhovah déjà, du verset 10 du chapitre 43, Dieu le dit au verset 25 qu'il fatigue Dieu par leurs iniquités. Donc les témoins de Jéhovah sont dans le péché, dit le Seigneur. Donc, les témoins de Jéhovah sont dans le péché, dit le Seigneur. C'est ça qui est écrit, n'est-ce pas? Donc, le verset 25 dit encore, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Vous y êtes? On va voir tout cela. Comme vous pouvez noter dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 22, quand Dieu va révéler cela en Israël. Vous pouvez noter. Je vous aime. Que le Père de gloire vous bénisse. Donc vous voyez, quand les gens voient les témoins de Jéhovah en route, ils fuient parce qu'ils sont sûrs que comme ils sont bien habillés, ils lisent beaucoup, là ils connaissent beaucoup. Ils lisent beaucoup, mais rien en réalité. Ils marchent beaucoup avec des livres, ils étudient beaucoup, mais le mensonge. Parce que ce n'est pas le fait qu'ils soient dans la Bible. Les gens qui lisaient la Bible quand Jésus était là, au moins eux, ils n'avaient pas de brochures qu'ils écrivaient pour vendre ou même pour distribuer. Ils avaient la loi de Moïse. Mais ils avaient seulement la loi de Moïse. Mais ce qu'ils en sortaient pour en faire, c'était de l'aveuglement. Quand ils allaient dans la loi de Moïse, ce qu'ils rencontraient, c'était des erreurs. Quand ils sortaient, les doctrines qu'ils sortaient là-bas, c'était des tissus concoctés d'erreurs. Et Jésus était sur la terre. Vous sondez les Écritures, croyez avoir en elles la vie, c'est elle qui rend témoignage de moi. Puis il leur dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, mais nul de vous n'observe la loi. C'est seulement la loi qu'ils avaient établie, juste parce qu'ils ont créé leur groupe, les pharisiens. Tout le monde, ils étaient les plus rigides au point où ils avaient pris le corps. Au point où les Sanhédrins qui jugeaient Jésus étaient composés des Sanhédrins, quoi, des Sadducéens. Ils étaient les plus influents, mais ils étaient dans l'erreur. La question c'est, quand ils lisaient la Bible, ils lisaient quoi dedans? Et Jésus leur dit que nul de vous, c'est-à-dire que le jour du jugement, ils vont venir dire, non, j'avais adoré Marie, ta mère, comme l'autre lâche, je sais, je fais l'autre, malheureux, il n'y a pas de godasse dans mon royaume que le sort. J'étais même témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu, que le sort. Et Jésus, au sorti de là où il envoie la mission, les gens dans la mission, Il dit que comme mon père m'a envoyé, moi je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les disciples de qui? Et ils sont quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Et vous serez qui parle? Mais eux, ils sont disciples. On a des problèmes. Avec la Bible dit qu'on est témoin de Jésus. Ils sont témoins de. Avec la Bible, où il n'y a pas un verset qui dit que soyez témoins de Jéhovah. Vous voyez là où on en est. La question c'est combien de personnes sont dedans. Ça c'est leur cas. Prends catholique, combien y en a? Musulmans qui ne sont pas dans la religion chrétienne, combien il y en a? Prenez les sectes religieuses, n'importe lesquelles, combien il y en a? Jésus dit large et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. On a des problèmes. On peut avancer. Ok. Jérémie chapitre 31. Après Esaïe, là, vous avez Jérémie directement. Donc souvenez-vous, pourquoi vous ne me posez plus les questions? J'ai dit, l'année prochaine, en 2019, si le Seigneur ne vient pas, et si on est à calme dans ce pays-ci, la fête de la Pâque, ça se passera le 19 avril. Ça veut dire que le premier du calendrier de Dieu, c'est le 6 avril. Le 6 avril, l'année prochaine, vous pouvez donc dire bonne année à quelqu'un. Et donc le 19 avril, c'est la fête de la Pâque. Cette année-ci, c'est 30. L'année prochaine, c'est le 19 avril. Voilà. Jérémie chapitre 31. Je vais lire à partir du verset 1, suivons attentivement. Hein. On y va. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles des témoins de Jéhovah. D'Israël. Comment? D'Israël. Et ils seront. Ah, vous avez moi. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Vierge, tu auras encore des tambourins pour parer et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur le montagne de Samarie. Vous y êtes? Voilà. Maintenant, regardez verset 7. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, levez-vous, montons à vers l'Éternel notre Dieu. Regardez bien Sion. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple. Le reste, voilà. Voici, je les ramène du pays du Dieu. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont les aveugles et les boiteux, la femme enceinte. On a lu ça tout à l'heure dans Esaïe. C'est pas ça? Bon, maintenant, regardez ici. On y va. Verset 31. Du chapitre 31 d'Esaïe. Donc vous voyez que chaque fois c'est d'Esaïe dont il est question. C'est toi qui as trouvé la bien bonne position, ma soeur. Non, c'est bon ici. Écoutez très attentivement, verset 31 et suivant. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Une alliance quoi? Donc il a dit introduit quoi là comme ça? Une alliance nouvelle. C'est-à-dire la nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. C'est ça non? Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est Dieu qui promet ça, n'est-ce pas? Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dieu prophétise qu'il va ôter le pays d'Israël son péché. On avance. Verset 35. Ainsi parle l'Éternel. Voilà les oracles qui sont sur le pays. Il dit qu'on en est allé au niveau de 144 000. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses fléaux, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Maintenant, écoutez, verset 36, c'est à partir d'ici que la doctrine de Dieu va, toutes les ramifications s'écoulent. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Vous voyez le verset 36 là? Donc Dieu veut. Et regardez encore verset 37. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël. Dans le jour où on va découvrir la formule pour sonder toute la terre, Dieu jette Israël. Vous voyez, donc ça veut dire que la science ne pourra pas trouver, parce que clair, son amour pour Israël est éternel. Pourquoi ils sont des princes ici? C'est pour montrer effectivement que Dieu a un plan avec Israël. Il y a dans, parmi les mystères des dieux, la chute et le relèvement d'Israël. Les témoins de Jéhovah ont lu, l'esprit d'aveuglement les a frappés de l'erreur. Ils ont vu la chute d'Israël, n'ont pas vu le relèvement, et par conséquent ils ont pris la chute. C'est pour ça qu'il avait dit les hérésies vont sortir de la Bible. Ils ont pris la chute, ils ont avancé à partir de la chute. Ils ont dit que comme Dieu a rejeté Israël, il a dit qu'il devait susciter un peuple pour l'avoir. Mais Dieu dit ici qu'il ne peut pas rejeter son peuple. Et c'est dans le Nouveau Testament, la personne à qui Jésus a donné l'authenticité de l'autre, ou bien de la globalité de la doctrine chrétienne et le mystère de Dieu caché, a dit ceci par rapport à Israël. On va lire, regardez encore verset 36. Si c'est loi, c'est-à-dire que la loi que le soleil est là pour préserver le jour. Aujourd'hui, ça nous a chauffé, non? Donc ça dit que la loi du soleil là subsiste toujours. La nuit on voit encore la clarté de la lune, non? Donc ça dit qu'Israël n'est pas encore rejeté. Dieu dit que si cette loi là cesse, Israël cessera d'être une nation. Ça veut dire que si la loi d'Israël, les lois de Dieu dans les cieux là cessent, on ne pourra plus parler des nations d'Israël. Tant que cette loi là, il y a une nation qu'on appelle Israël. C'est pas ce qui est écrit là. C'est pas ce qui est écrit. Alors où sont les témoins de Jéhovah alors? J'ai dit ceci parce que leur doctrine s'appuie sur le fait que, alors, n'en parlons même pas maintenant, même du collège des sages, qui en Perse, ils vont s'asseoir pour parler de doctrine, c'est-à-dire qu'on les appelle l'esclave fidèle. On va arriver dans la partie 2 de l'esclave fidèle. Comme l'esclave fidèle, c'est un esclave du péché et du mensonge. C'est ce qu'on va développer et voir. D'accord? Bon, ici il dit, si ces lois viennent à cesser, verset 36, devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ça veut dire que quoi? Dieu par là dit, tant que la terre subsistera, comme il l'avait dit dans le Nouveau Testament là-bas, tant que la terre subsistera, il ne sera pas ôté, Israël. On y va? Voilà. Maintenant, vous pouvez prendre, lisez le chapitre 30, il va réitérer là-bas, tout cela. Il dit ici clairement que l'amour d'Israël ne sera jamais enlevé. Allons dans Romains chapitre 9 maintenant. Romains chapitre 9. Écoutez, prenez le temps de lire Romains chapitre 9, d'accord. Je vais aller directement à partir du verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse d'un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dit, écoutez bien, et que dit si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Formés pour la perdition, c'est terrible. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés, écoutez bien, non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens. Donc il y a les juifs, il y a les païens. Maintenant, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Donc Dieu avait pour but, depuis les Saintes Écritures à l'intérieur, même les Juifs lisaient. C'est pour ça que vous voyez quand les apôtres avaient des conflits au niveau, ils étaient entrés chez les païens, ils étaient mangés avec eux. Ils ne comprenaient pas ces choses parce que c'était voilé. Mais c'était prophétisé dans les Écritures qu'ils devaient aller aussi appeler les païens. Voilà ce que l'apôtre Paul prend maintenant. Il dit que dans Osée, vous lisez ça dans Osée, que j'appellerai mon peuple ceux qui ne se feraient pas appeler mon peuple. Or, pour Israël, il les a appelés son peuple. Et Dieu donc dit par ce livre des prophètes, si vous lisez dans Osée chapitre 2 verset 22, c'est écrit ainsi là-bas. Dans Osée chapitre 2 verset 22, il dit qu'effectivement que j'appellerai mon peuple ceux qui n'étaient pas appelés mon peuple. Donc il veut parler, dit qu'il va jouer dans Israël d'autres personnes. Sans nous dire ouvertement, il prophétise seulement. L'apôtre Paul va dire encore, enfin, ici, toujours dans ce livre des Romains, il va dire que selon qu'il est écrit, j'étais loué parmi les nations. Comment on va louer Dieu, le Dieu d'Israël parmi les nations? L'ouverture devait être faite par Christ Jésus. Mais c'est-à-dire seulement que j'étais noué parmi les nations. C'est David qui dit, quand il dit comme ça, après ça, il rencontre lui-même, quand il revient à lui-même, David, sachant qu'il est juif, il sait qu'on loue le Dieu d'Israël en Israël. Il dit, j'étais loué parmi les nations. Comment il veut te louer parmi les nations? Mais le Saint-Esprit avait parlé. Amen. Maintenant, on continue. Verset 25, selon qu'il est écrit, ce qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Donc on parlait de nous ici. Vous y êtes? Esaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Vous voyez, il traite ici d'Israël et les gens qui sont venus des nations. Parce que là, Dieu voulait expliquer le mystère du choix de Dieu. Maintenant, Esaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Vous y êtes? Si vous lisez Esaïe chapitre 10, verset 22, vous allez retrouver ça là-bas. Que Dieu vraiment vous bénisse. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Donc c'est une résolution, c'est un plan de son cœur. Vous y êtes? Et comme Esaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous a eu laissé une postérité, nous serons devenus comme Sodome, nous aurons été semblables à Gomorrhe. Donc vous voyez que même dans la perversité, Dieu a préservé, c'était une race, c'était une personne de la race pour qu'ils ne soient pas tous pervertis. Verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non pas la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Vous parlez de l'apôtre. Vous voyez? Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. L'apôtre Paul montre clairement ici qu'il y avait un carrefour où ça devait être dangereusement d'aborder. Le Christ Jésus. Donc, l'achoppement, la chute, le fracassement et le détour du plan de Dieu par rapport à Israël devrait être fait par Christ. Il était au milieu d'eux. Dis-nous, depuis là, tu tiens notre esprit en suspens. Si tu es le Christ, dis-le, je vous l'ai dit, n'est-ce pas? On a vu ça, n'est-ce pas? Mais dans verset 10, chapitre 10, pardon. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il parle de ceux qui se sont achoppés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Vous voyez effectivement que l'être humain a besoin de comprendre ce que Dieu lui appelle son justice. Sinon, tu vas commencer à faire ta part sur la terre, parce que tu crois que tu as trop réussi. Et alors tu es totalement à 100 000 km éloigné de lui. Et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Vous voyez la justice de Dieu, non? La justice de Dieu consiste à laisser Christ être ton Seigneur, à laisser Christ être ta justice, laisser Christ être ta sagesse. Dites effectivement que moi, je ne suis plus là, c'est Christ qui prend ma place. Amen. Verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui s'obtient, qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, Moïse donnait comme ça la définition. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est ici qu'on a pris dans le truc qu'on récite maintenant que Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc vous voyez effectivement que quand vous êtes justifié, vous savez dans votre cœur, n'est-ce pas? Parce que si votre cœur vous condamne, vous êtes fichu. Quand vous êtes justifié devant le Seigneur, la cœur et le quoi, la paix vient dans le cœur. Voilà. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon qu'il est écrit, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On continue. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais j'ai dit, cela là l'introduit Israël, hein? Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Puis il dit quoi? Au contraire, ils ont entendu justement. Jésus lui-même était en principe en train de prêcher. Ils ont entendu même les oracles, tous les ainsi par les qu'on a lu dans Ézéchiel, Jérémie, oh là-bas, c'était pour eux. Leur voix est allée pour toute, par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais j'ai dit, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Vous avez vu? Donc même Moïse, quand il était physiquement là, il prophétisait déjà qu'Israël devait chuter. Puisqu'il est en ce le cantique, il dit, je sais que vous êtes un peu beaucoup roi. Quand je vais quitter la scène, vous allez vous corrompre. Et Dieu va vous faire. C'est pas vrai? Le gars chantait la langue, nous sommes une fille de rebelles. Et Dieu, il chantait ça, il dansait. On continue. Verset 20, et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Vous voyez, de même dans Isaïe qui parle du Messie d'Israël, il commence à dire que Dieu va lâcher Israël pour pouvoir prendre un autre peuple qui ne cherchait même pas Dieu. Je me suis manifesté à ceux qui me demandaient, qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, donc effectivement que ceux à qui Dieu s'est manifesté, au sujet de ceux qui ne demandaient pas, ce sont les païens. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Et vous allez voir, c'est cet amalgame qu'Israël va avoir avec Dieu. Mais le mystère dans tout ceci, c'est que Dieu ne l'a pas rejeté. C'est ce qu'on va retrouver là-bas. Chapitre 11. J'ai dit donc, on va voir clairement à partir d'ici, que ici ça rejette toutes les doctrines du témoin juif. J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Oui. Loin de là. Non. Pardon? Loin de là. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire loin de là? Mais pourtant le chapitre 10 dit que Dieu a tendu son peuple, que Dieu a dit clairement que d'une part qu'il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Il s'est manifesté vers un peuple qui ne le cherchait pas. Mais pour Israël, il a dit plutôt que tous les jours, j'ai tendu ma main vers un peuple contredisant. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais on comprend qu'il a comme ceux qui étaient contredisants et ainsi de suite, et il ne comprenait pas ses voix, il s'est laissé trouver maintenant par ceux-ci. Mais là maintenant, ça claire clairement la question, elle laisse tout naturellement. Donc ça veut dire qu'il a laissé Israël. Vous voyez cela? Parce qu'il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour. C'est un peu comme on dit que tu parles, tu dis la goutte d'eau qui a des bolets, va, c'est. Puis c'est tout maintenant avec une autre personne. Quand il se tourne, on pose la question, ok, quand il s'est tourné, ça veut dire qu'il a arrêté son peuple, il est loin de là. Ça veut dire qu'il y a un plan derrière. Il y a un plan derrière. Il dit, j'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Encore, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Car moi aussi, je suis Israélite. Tu es Israël. Amen. Il dit, car moi aussi je suis Israélite. Il veut parler de si Dieu avait rejeté son peuple, forcément, moi l'apôtre, je suis rejeté. Vous savez, moi, hein? On n'a même pas encore fait une, vous êtes déjà fatigué comme ça. Là. Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là? Il dit que, car moi aussi je suis Israélite. Mais c'est, nous sommes dans Romains chapitre 11, courage. Israélite, de la tribu, de quoi? De la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Donc, c'est pour montrer clairement que ça ligne. Maintenant, et puis il répond. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, souligné et encadré. Donc la Bible prouve que les témoins de Jéhovah mentent au sujet d'Israël, mentent au sujet des doctrines bibliques, mentent particulièrement par rapport aux 144 000. Et c'est ce dont on va voir. Vous êtes là, frère? Vous voyez que ça veut dire que le frère l'a dit dans son cœur qu'il me lève la vie plus à sa place. Oui, vous avez vu, non? Il est dans son cœur, quitte sur ma place, c'était sa place. Il sait que chaque fois qu'il vient ici, c'est là où il s'assoit. Alors, nous venons de voir, mes chers soeurs, dans les Saintes Écritures, depuis l'Ancien, on a vu clairement dans l'Ancien Testament, comment le prophète Isaïe Jérémie a prophétisé que si les lois du ciel qui ont été énoncées dans le ciel viennent à cesser, alors l'amour de Dieu va cesser pour Israël. Si maintenant on rencontre dans le Nouveau Testament que Dieu a rejeté son peuple, ça devait maintenant clairement être établi qu'il y a une contradiction claire dans la Bible. Parce que si Dieu énonce qu'il ne peut pas rejeter, et si quelqu'un est enseigné que Dieu a rejeté. Là maintenant, on vient de voir que la doctrine biblique est établie. Dieu avait dit par le prophète Jérémie qu'il ne peut pas rejeter Israël tant que la loi subsistera. Tant que les lois du ciel subsisteront. Maintenant ici, l'apôtre Paul confirme clairement qu'il n'a pas rejeté son peuple. Mais au milieu de ce non-rejet de Dieu, on voit effectivement qu'Israël est comme délaissé. La question maintenant c'est, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est là où on entre dans le plan de Dieu. Vous avez moi? Que ce Dieu d'Israël dont vous bénisse. Alors, je vous de vous à moi. Nous venons de rencontrer ici donc la réponse claire que Dieu n'a pas rejeté son. On dit même que le peuple qu'il a connu d'avance. Et nous avons vu dans la doctrine témoin de Jéhovah qui disent effectivement que Dieu a rejeté son peuple. C'est pour ça qu'il s'est choisi un peuple qui porte maintenant son nom. C'est pour ça qu'eux portent le nom des témoins de Jéhovah. Donc en partie de cette partie, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que la base des témoins de Jéhovah, c'est le mensonge. Donc c'est le diable qui les a inspirés. Parce que le diable a toujours été contre Israël dès le départ. Prendre la place de Dieu. Donc le diable est l'auteur et le chef dirigeant des témoins de Jéhovah. Tout comme l'église catholique. Quand Christ va laisser son église sur la terre, il va donner pour représentant, pour remplaçant le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vais prier le Père, vous enverrai le Pape. Amen. Dans Jean 14 et Jean 16, il dit, je ne vous laisserai pas seul. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Dieu ne peut vous dire, vous ne pouvez pas porter maintenant. Mais quand le chef des magistères viendra, il vous conduira dans toute la vérité parce qu'il interprétera bien le magistère. Non. N'est-ce pas, frère? Non. Mais vous voulez dire que le pape, là, un grand père comme ça, là, ment? Puisqu'il est le représentant de Dieu sur la terre. Non. Il ment? Non. Tu peux regarder le pape dans les yeux, tu dis que le pape, tu mens? Non. Hein, frère Jean-Paul, comment tu peux s'en croire la tête maintenant? C'est dans vos villages que tout le monde est catholique, non? Oui. Va là-bas, tu lui dis que le pape ment, tu vas rentrer du village, je veux voir. Donc, Jésus dit, il dit à ses disciples, il dit, je prie le Père, il vous enverra le consolateur. Il désigne la personne qui va venir en lieu et place de lui-même. Mais l'église catholique enseigne que le pape est le représentant. Au point où il représente même Dieu jusqu'à ce qu'il prenne la place de Dieu. Il s'est fait appeler très Saint-Père. Dieu lui-même est seulement Saint-Père. Il dit bien Dieu, lui, il est Saint-Père. Lui, le pape est quoi? Très Saint-Père. Sa sainteté. Quand il meurt maintenant, on fait le conclave, on veut savoir s'il faut le sanctifier. Ah, des choses. Mais où est la base? La base c'est tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Où est-ce que l'église est bâtie, frère? Il dit, c'est sur la tombe de Pierre. Mais on dit clairement que cette église-là, le top, ça n'a rien à voir avec la tombe. L'espoir du séjour des morts, séjour des morts. Donc ça n'a rien à voir avec les morts. Mais ils disent que c'est sur la tombe de Pierre qu'on a bâti. Donc quand il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église est née quand, frère? L'église est née quand? À la Pentecôte. À la Pentecôte, Pierre était mort. Ça veut dire que c'est quand Pierre est mort que l'église a commencé. Non. Un frère? Non. Pointe quelqu'un. Dis si tu as des amis catholiques. Si ou ton père même est vice-prêtre. Si et qui ne déclare pas publiquement. Et dis-le clairement qu'ils servent Lucifer. Voilà. Alors, oui, la base c'est le mensonge comme on vient de découvrir pour les témoins de Jéhovah. Vous voyez que. Vous prenez deux fondations de la papauté, vous voyez clairement que c'est la religion de Judas Iscariot, celui qui trahit la parole. L'apôtre de Pierre a été remplacé. Qui est l'apôtre qui avait été remplacé? Qui est l'apôtre qui avait été remplacé? Mais ça veut dire que c'est le processus de remplacement, on remplace quelqu'un qui est perdu. C'est en remplaçant de qui? C'est Judas Iscariot. Donc comme Satan entre dans Judas, Satan entre dans les papes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et pas quand vous parlez de la Seigneur, vous remarquez effectivement que la seule personne dans la Bible à qui on a mis quelque chose dans le trempeur de morceau pour donner dans la bouche, c'était qui? Qui pratique ça? Le pape. Ok. Ok, non. Appelez comme vous voulez, mais c'est eux. Donc vous voyez deux fondations. La naissance de l'église et la loi donnée à l'église de fêter, c'est fait par eux. Comme étant pour Judas. Dans la base de l'Église catholique, c'est Judas Iscariot. On peut avancer. Mais cette fois-ci, nous sommes dans les amis lointains, les témoins de Jéhovah. qui disent que ce qu'ils appellent la commémoration, bien le mémorandum de Christ, la mort de Christ, ce sont les membres du 144 000 qui peuvent manger. Nous avons les Saintes Écritures devant nous qui vont nous dire le contraire. Nous avons commencé d'abord par déconstruire et expliquer le fait qu'ils ont pris la place d'Israël en essayant tant bien que mal d'occulter Israël dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que les témoins de Jéhovah vont prendre, si vous lisez les brochures, ils vont prendre tant bien que mal des différents versets dans la Bible pour essayer de montrer que Dieu a rejeté son peuple. Mais on vient de voir clairement cette question posée ici. Est-ce qu'il y a Israël une nation? Demain pour les témoins de Jéhovah, il va dire non. Dieu ne connaît plus ceux qui sont là aujourd'hui. Mais on vient de voir que Dieu a dit dans Jérémie chapitre 31, verset 31, que tant que le soleil va toujours continuer à présider le jour et que la lune va toujours continuer à présider la nuit, Israël ne cessera pas d'être une nation devant ma face. C'est pas ce qu'il écrit. L'apôtre Paul a poussé le bouchon en posant la question directe et claire. Les tasses ne sont pas détournées. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Il est loin de là. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ici, il parle d'Israël. Donc Israël n'a pas été rejeté. La nation d'Israël n'a pas été rejetée. Mais qu'est-ce qui se passe? L'apôtre va continuer à nous expliquer. Il va nous expliquer effectivement ce qui ne va pas. Pourquoi Israël ici est appelé peuple de Dieu? Vous pouvez prendre le livre des psaumes chapitre 8, le verset 3 à 5. Vous pouvez prendre cela, vous notez. Donc nous sommes dans Romains chapitre 11. On n'a pas fini. Souvenez-vous de cela. On n'a pas fini Romains chapitre 11. Il dit, vous pouvez prendre le psaume 8, vous notez, on arrive. On continue là. Alors maintenant il dit, nous sommes au chapitre 11 de Romains. J'ai dit donc, verset 1 encore, Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là? Car moi aussi je suis Israël, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Il dit, ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Verset 9, verset 5. L'apôtre Paul prend cette chose dans les prophéties pour montrer effectivement ce qu'il en est. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Oh mon Dieu! Selon l'élection de la grâce. Mais pourtant, c'est un peuple choisi d'avance par Dieu. Ça veut dire que même dans la chute, il n'a pas permis que c'est tout le peuple qui chute. Parce qu'Israël est sauvé en tant que nation. Il dit que parmi eux, donc maintenant, les chutes, là, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ça veut dire que pour que la grâce va vers les gentils, il y a même parmi les juifs, des gens qui ont élu et reçu l'élection pour obtenir aussi la même grâce. De la même façon, comme sous la loi de Moïse, vous voyez, comme Jésus vient, il vient pour Israël, pour sauver Israël. Mais il y a quelqu'un des nations là qui est en train de vous décider, ça y est, même si le miel tombe sur la table, il n'est pas bon de prendre nos petits chiens, les enfants pour donner aux chiens. Vous voyez cela? C'est terrible. Regardez, continuons ici. Verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Ça veut dire que ceux d'Israël que Dieu a racheté pour mettre dans ce groupe-ci là, ce n'est pas par les œuvres. Donc, ils ne recevaient pas les lois de Moïse dans ses prescriptions, comme on dit. Maintenant, et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus œuvre. Parce que ça veut dire qu'ils ne méritent point. Ils ne font pas quoi que ce soit pour se joindre là-dedans. C'est une élection et c'est par grâce. Donc, Dieu a choisi. Comme Jésus va dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Voilà. L'apôtre Paul dira qu'après qu'il soit, après la résurrection, après qu'il soit apparu à plusieurs et même à 500 frères, après il m'a aussi apparu à moi comme un avorton. Vous voyez cela? Ok. Donc, c'est par élection. Et l'apôtre Pierre dira, quand il a entendu les parler devant Jean, il dit que Jésus a, après la résurrection de mort, c'était les témoins choisis d'avance par Dieu. Donc même les témoins de sa résurrection avaient été élus avant la fondation du monde. Ceux qui devaient rencontrer jusqu'à sa résurrection. Ha! On continue. Verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherchait, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Vous avez entendu ça? Mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les païens ont été Non, tandis que les autres, bon, c'est des païens dont on parle, les païens ont été, les païens, donc on dit que les païens ont été endurcis, ou bien, tandis que les autres ont été endurcis, d'accord? Dieu leur a donné un esprit, selon qui dit Christ, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Qui l'a fait, frère? Dieu. Donc, la Bible dit clairement que Dieu lui-même a aveuglé Israël. Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Je vous le dis. Depuis ce livre, vous ne croyez pas. Il était au milieu d'eux comme ça. Là. Des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ces jours. Et David dit, chaque fois, depuis là, l'apôtre Paul fait que c'est le livre des prophètes. David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Or, il lisait ça chaque fois dans le psaume 69. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Verset suivant, verset 10. Que leur... Non, on a lu cela. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Pour que leur dos soit continuellement courbé, c'est parce qu'il ne faut pas se révéler. Quand vous êtes courbé comme ça, vous ne révélez pas vers le ciel. Alors, quand tu es révélé, ça suppose que tu... la lumière vient pour te révéler les choses cachées. Maintenant, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais, c'est là le mystère est introduit. Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Donc Dieu, depuis les temps anciens, avait dit, je vais choisir un peuple. À un moment donné, je vais mettre une pause pour me tourner vers les peuples, les autres nations. Mais la pause n'est pas en appuyant sur le bouton. C'est en mettant une pierre d'achoppement. La pause est appuyée par une pierre d'achoppement. C'est cette chose qu'on a dit là-bas. Donc c'est par la pierre d'achoppement que la pause est mise sur Israël pour que cette même pierre d'achoppement devienne le rocher de salut. Le même bouton de pause pour Israël, c'est le même bouton pour salut pour les nations. Et c'est sur ça qu'ils sont heurtés. Quand Israël s'est heurté sur la personnalité de cette pierre, boum, ça a fait pause sur Israël. Et le boum là a donné salut aux nations. On avance, frère. Maintenant, il dit, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Donc, il commence à voir maintenant que l'air Dieu est loué dans le monde. Maintenant, or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous sous lui? La Bible prophétise quoi, frère? Notez Zacharie, chapitre 11, chapitre 10, chapitre 11 et chapitre 12. On y va. Voilà. Donc, il dit que si leur chute a été quoi? La richesse du monde. C'est le fait qu'ils ont chuté comme ça là. Ça a permis que la richesse de Christ et les bontés de Dieu s'étalent dans le monde. Vous pensez que ça sera quoi pour eux lorsqu'ils vont se reconvertir? Quand ils vont se convertir. Donc, si la dimension de la grâce est allée vers le monde, ok, quand Dieu va se tourner vers eux, qu'est-ce qu'on va lui dire? Vous voyez, ça sera une bénédiction terrible pour Israël. Mais souvenez-vous de ce qu'on a de voir. On voit le mensonge que les gens ont fait avec ces choses d'Israël. Parce qu'ils ont Israël, ils ont pris la place d'Israël. Ils sont entrés dans le plan de Dieu. Dans la Bible, disséquer Israël, taper, enterrer Israël et prendre la place d'Israël. Mais jamais, personne ne prendra la place d'Israël parce qu'Israël existera toujours comme nation. Il est au Cameroun. Il dit que tu es quoi? Il dit non, je fais partie du peuple d'Israël. Il dit vraiment. Hein? Uh-huh. Je suis Israël spirituel. Vraiment. Hein? On arrive. On avance. Verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Je vous le dis, à vous païens. C'est pour ça que l'apôtre, pour voir ces choses, il s'est tourné parce que Dieu l'a envoyé parmi les païens. Mais ça me vient maintenant. Il se tourne vers les païens, il dit que vous donc, comprenant ces choses, faites attention à ce que vous recevez. Faites donc attention à ce qui est venu vers vous. En tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur intégration sinon une vie d'entre eux? Les morts. Donc, ici, il montre encore clairement qu'il y aura une réintégration d'Israël. N'est-ce pas, frère? Or, si les prémices sont saines, la masse l'est aussi. Les prémices, c'est qui, frère? Non, on parle d'Israël, qui a un pronom en Israël. Il dit qu'il y a une prémice. L'apôtre Jacques parle dans Jacques chapitre 1 que Christ nous a arrangé comme étant les prémices pour la nouvelle création, n'est-ce pas? Maintenant, qui est-ce que Dieu a choisi en premier lieu pour qu'il enfante Israël? La nation d'Israël a été fondée par combien de personnes? La nation d'Israël a été fondée par combien de personnes? Pas? Vous avez honte de dire, vous ne connaissez pas, frère? 12. Vous avez déjà lu le vie là-bas, frère? Vous avez là vu la tribu de Judas? Vous connaissez qui est Judas? Qui est Judas? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand vous lisez son histoire, vous voyez qu'il a fait quoi? Afin qu'il s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saines, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, tu étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fuisse hanté. Cela est vrai. Elles ont été hantées, et quoi, étant retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi qui subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. 1. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. On y va. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront quoi? Hantés. Hanté, ça veut dire greffé. Je ne sais pas comment vous entendez nous ici, non? J'espère que ça ne cause pas problème à quelqu'un. On parle de greffage ici. Vous prenez l'olivier, là, il dit clairement que l'arbre de l'olive qui produit l'olive là, quand vous regardez la racine, eux, ils étaient la racine, ils avaient pour racine leur père. Ils ont été aimés à cause, on va voir ça ici là tout à l'heure. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils ont été choisis comme ça, point final. Et donc là, les branches, c'est la nation, le peuple d'Israël, comme on voit là-bas. À cause de l'incrédulité, on dit clairement, comme la branche, si vous voyez cette branche-ci, ça a été coupé. On a mis ça de côté à cause de la racine. Mais on a coupé la branche, on n'a pas coupé la racine. Parce que la racine, c'est il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et maintenant, on coupe l'olivier sauvage, les païens. On vient greffer. Vous savez que le greffage, on peut prendre l'oranger, on coupe la branche, on greffe sur le citronnier. Si on greffe, on attache. Si le greffage réussit, la branche de citron sera de ce côté, ce sera en train de produire le citron. La branche qu'on a greffée de ceci, qui est naturellement orange, ne produira pas de citron. Ça va produire de l'orange mélangé avec des saveurs de citron. Parce qu'il est sous-tendu, il boit de la source et des nutriments de citronnier. Vous voyez que vous montez, vous descendez, vous ne pouvez pas dire que non, je ne veux pas connaître les juifs, je ne veux pas connaître les traditions juives, je ne veux pas connaître les juifs, mon frère connaît Jésus, vous ne pouvez pas connaître Jésus parce qu'il a dit le salut vient des juifs, on est greffé sur eux. Vous voyez cela, on est greffé sur eux. Et par contre, il dit ici là que ils ont eu à être incrédules, on les a coupés, mettre de côté, toi on t'a greffé. Et on dit que si on te greffe, souviens-toi que ce n'est pas toi qui te porte la racine, c'est la racine qui te porte. Mais si on t'a greffé là-bas, et que tu as réussi, imagine donc si c'est une branche naturelle, alors on peut le greffer plus facilement. Donc pour eux, on peut le greffer facilement parce que c'est son arbre. Et il va produire ce qu'il faut produire, ce que l'arbre doit produire sans mélange de saveurs. C'est nous qui mélangeons le paganisme avec les choses de tout comme cela. Ils connaissent Dieu de la Bible. Amen. Verset 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Verset 25, enfin. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël, souligné. Une partie d'Israël. C'est qu'une partie d'Israël c'est qu'une partie d'Israël est quoi? Est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit. Voilà dans le mystère. Voilà en quoi réside le mystère. Donc Dieu a mis pause sur Israël pour regarder le nombre de personnes dans son plan parmi les païens qui sont censés entrer. Il dit, lorsque la totalité de ces païens-là vont entrer, il dit, et ainsi, tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Regardez bien maintenant. Donc, lorsque la totalité des païens entre, regardez, frère, verset 25, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Vous voyez? Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Ceci, frère, n'est pas encore été accompli. Dont les témoins de Jéhovah mentent au sujet d'Israël. Les témoins de Jéhovah ont usurpé la position d'Israël dans les Saintes Écritures pour se faire valoir leur vie et leur doctrine. Donc Lucifer les conduit. Maintenant, cela étant, donc, on peut maintenant aller maintenant au niveau des 144 000 pour voir pourquoi les témoins de Jéhovah ont instauré que ce sont les 144 000 dons, effectivement, qui, personnalités qui le font, qui doivent goûter à la pain et le vin de la commémoration. Avant qu'on y va, vous allez voir que dans leur doctrine, ils essayent tant bien que mal pour dire, parce que si vous nous demandez que donc depuis que Christ est mort, donc ce n'est pas encore atteint 144 000, ils vont vous dire que par génération, il peut avoir même une seule personne. Il peut avoir des nations, même il n'y en a même pas. Mais on peut voir ce que la Bible dit de toute façon. Vous vous souvenez maintenant qu'on vient de lire que le mystère, c'est que le libérateur viendra de cœur. D'où de Sion, il viendra de Sion et il détournera de Jacob et ses impiétés. Mais avant d'aller dans le livre des révélations, allons dans Zacharie voir quelque chose. Vous avez des amis témoins de Jéhovah, je m'en fous. Vous êtes témoins de Jéhovah, je m'en fous. Votre père et votre mère témoins de Jéhovah, ils servent le diable. Voilà. Non, mais ça dit bien. Ça dit bien. Ça dit bien que de Michael Jackson. Vous savez, comment raisonner par les écritures, à partir des écritures, il y a les documents équipés pour le ministère. Quand la sœur, elle ne parle pas, elle va dire c'est moi. Vous savez, elle va discuter avec le prédicateur de jour. Quand elle est sortie de la maison, pendant qu'il marchait en route, il marchait hors de ma maison, j'entendais de la maison ce qu'il disait. Et puis la prochaine fois, ce qui m'étonne, c'est que quand quelqu'un vient, il se tient devant toi, tu lui dis ce qu'il a dit, il ne se pose pas la question comment tu peux avoir fait pour savoir ce que j'ai dit. Il continue la discussion. Il me tient devant lui, dit Alex, il dit, tu es allé voir un ancien. Et tu as dit qu'il y a un garçon là, je persévère. Parce que l'ancien lui a dit, il pouvait le voir converser. L'ancien t'a dit, quitte ce garçon, il peut te pervertir dans nos, il peut me pervertir. C'est un bon gars, il connaît nos doctrines. Si on parvient à l'attraper, on aura gagné un peu. Je le vois discuter. Et puis il vient à nous, il s'assoit. Il dit, tu es allé voir un ancien, tu as dit comme ça. Il dit oui. Après il rit, il continue. Il se pose pas la question, c'est pas normal ce que ces garçons sont en train de dire. Il se pose pas la question que c'est pas normal. Alors quand il rentrait, le jour qu'elle est rentrée chez eux, je le suivais. Mais j'étais à la maison, je le surveillais. Il marche. Dans son esprit, c'est lui qui dit que le gars a quand même raison. Mais on peut quand même se laisser faire comme ça. Mais c'est les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont imbattables. Alors quand il marchait avec son. Vous savez, les pensées montent sur le cœur. Il commence à réfléchir, il réfléchit sur tout ce qu'on a dit, il réfléchit sur tout ce qui est. Après, il dit, j'ai une question à lui poser. Il parle la prochaine fois, avant qu'il ne vienne, je connais la question qu'il va poser. Il dit, Alex, oui, tu te poses la question si j'ai été témoin de Jéhovah. Il dit, oui, dis ça, je dis pas concrètement. Il se pose la question, comment ce sur quoi je méditais la prochaine fois qu'elle va venir, c'est la question qu'il va me poser. J'arrive, c'est ça qu'il me pose comme question. Les gens devaient savoir qu'il y a quelque chose qui n'a pas d'anormal quand certaines choses leur sont dites. Il devait savoir. Il se tient là, il dit, la question que tu as me poser, c'est, tu veux me demander si j'étais témoin de Jéhovah. Oui. Parce qu'en réalité, si il dit que j'étais témoin de Jéhovah, il prend ses documents là maintenant, il part. On ne doit pas causer avec les apostats. Oui. Et il dit, je vais pas te mettre, je vais dire que je ne crois pas. Parce que comment tu peux faire pour connaître les choses secrètes qui allent dans le secret? C'est parce qu'il y a des documents que c'est secret chez eux. Zachary. Zacharie chapitre, prenons le chapitre 12 d'abord. Vous y êtes? Qu'est-ce que vous avez fait? Il peut aller. Zacharie chapitre 12, prenons à partir du verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Judas, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel. Comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je me forcerai de détruire devant, vous y êtes, de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Vous voyez les prophéties qui sont dites depuis longtemps, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez bien, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Si cet esprit s'est déversé sur vous, allez voir de quoi il est question. Un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Vous avez vu ça écrit? Ceci est déjà écrit, déjà accompli, frère. Est-ce que ceci est déjà accompli? Est-ce que ceci est déjà accompli? Non. Ok. On dit, il a parlé ici de la maison de David, de Judas, de Jérusalem. Il dit, c'est des deux dont il en a parlé, qui va déverser l'esprit, ils vont tourner le regard vers lui, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand en Pennsylvanie. Comme le deuil, quoi? Vous avez Pennsylvanie, c'est Pennsylvanie, n'est-ce pas? En Pennsylvanie, comme pleure. C'est là-bas qu'il y a la tour des gars. Ok. Verset 12. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparément, la famille de la maison de David, séparément les femmes à part. La famille de la maison de Nathan, séparément, les femmes, les familles de la maison de Lévi, ainsi de suite, de la maison de Shimei, à part, ainsi de suite. Chapitre 13. Plus quand ils vont pleurer comme ça, pleurer, la suite de la prophétie, c'est au chapitre 13, à partir de verset 6. Plus quand ils vont pleurer, ils vont dire, et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui me mènent que je les ai reçus. Parce que Christ va se révéler à eux. Et on voit effectivement qu'ils avaient crucifié le Messie. Mais pourquoi ça se passe? Dieu dit clairement ici, et c'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire, parlait de hanter de nouveau. Quand il va ôter le péché, vous avez vu, il va verser un esprit de grâce et de supplication pour qu'il puisse se retourner. Sans que ces choses ne viennent sur toi, on ne peut pas vous repentir comme il se faut. Quand l'aveuglement est là, il faut que le Saint-Esprit vienne pour ouvrir cela. On avance? Ok, cela étant révélation. Le livre du prophète Jean. Bon. Si vous ne voyez pas tous les prophètes, laissez alors. Le livre du prophète Jean. Vous savez que c'est un aigle, n'est-ce pas? Vous savez que Jean est un aigle. Voilà. Chapitre 7. À partir du verset 1. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil et le vent. Du côté du soleil et le vent, soleil et le vent. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil et le vent. Et qui tenait un seau. Quoi? Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria, vous y êtes, d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire le mal à la terre et à la mer. Et il dit, Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu, de notre Dieu, n'est-ce pas? Donc nous voyons effectivement que quelque chose sur le point de se passer sur la terre. Des quatre anges, des quatre vents, dans les quatre directions, septentrion, midi, de l'Orient et de l'Occident, sont destinés à frapper. Et puis un autre ange dit, ne faites pas cela jusqu'à ce que nous ayons marqué le front, les serviteurs de notre Dieu. Verset 4, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Combien? Fait combien? 144 000 de toute la terre. Souligne. On y va. Donc, les 144 000 sont issus de quelle nation? Ça veut dire que malgré que l'Éternel puisse tourner n'importe comment pour dire que nous sommes Israël de Dieu. On va aller dans la Bible, on va rentrer dans le livre des Romains tout à l'heure, comme on a noté là, pour voir où on parle de cet Israël de Dieu. D'accord? On y va. Alors il dit 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Maintenant, est-ce que dans la Bible, la terminologie fils d'Israël est à jamais reportée aux païens? Est-ce que dans votre Sainte Écriture, l'appellation fils d'Israël sera faite de près ou de loin aux enfants des païens? Point. Quelqu'un dit, qu'est-ce qui ne va pas chez tes amis, les témoins? Puis d'ici, nous voyons effectivement que la nation d'Israël est divisée en tribus, n'est-ce pas? Chez les païens, on ne parle même pas de tribus. On parle de païens, des gens des nations. C'est pas ça, frère? Ok, maintenant, regardez. Nous allons lire tous ensemble. Allons-y, 1, 2, 3, verset 5 maintenant. Non, lisez 1, 2, 3, allons-y. Non, ne lisez pas comme ça. Lisez en harmonie. Si vous êtes en retard, prenez les autres. Allons-y, 1, 2, 3, on y va. Ok. Maintenant, je pose la question qui se pose maintenant tout naturellement, c'est ces 144 000 parmi les nations des témoins de Jéhovah, ils se trouvent parmi lesquelles nations, parmi lesquelles tribus? Et répondez-moi alors. Vous voyez un bassa ici commence à manger. Il dit qu'il est parmi les 54. Vous avez vu la tribu de bassa dedans? Non. Vous voyez un témoin de Jéhovah qui est étonné, qui est boulou. Il dit que je suis parmi les 144 000. Vous avez vu la tribu de boulou ici dedans? Non. Alors je pose donc la question. Qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes? Qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Le sceau du Dieu vivant, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Ok. Donc, il y a 144 000 personnes de cette tribu, de cette différentes tribus d'Israël qui sont marquées du Saint-Esprit. Suivons, continuons la lecture. Allons-y, 1, 2, 3. Voilà. Donc on voit qu'après cela, on a vu le marquage de sol de 144 000 des tribus d'Israël. Ici on parle des différentes nations de toutes tribus qui se trouvent. Donc ça n'a rien à voir avec cela. Pas vrai? Ici une fois de plus, on a séparé ceux-là des autres. Pas vrai? Verset chapitre 14. Chapitre 14 de Révélation. Vous y êtes. J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui. Il se tenait où? Avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Maintenant, on donne la description. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas... Marie. Voilà. Parmi les 144 000 là, que tu connaissais là-bas, il y avait un père qui avait là, hein, les enfants. Hein. Oui. Il avait les enfants. Mais ici, on dit que ceux-ci n'étaient pas souillés avec les femmes. Il disait, bon, se souiller avec des femmes, c'est la fornication. C'est la fornication. Maintenant, on continue en disant, le verset continue. Vous savez, il me suis arrêté là exprès. Parce qu'il parlait de mariage. Il savait que s'il parle de. Que, enfin, on m'a dit c'est fornication. Mais le verset suivant continue en disant quoi? Car ils sont. Vierges. Qu'est-ce que tu en dis encore? Qu'est-ce que tu veux dire, je peux te dire alors? Mm-hmm. Que non, dans le mariage, on est toujours vierge, quoi. Car ils sont toujours. C'est le seul endroit de la Bible où on parle de la virginité de l'homme. Le seul endroit. Ça veut dire que quand Christ va venir sur la montagne de Sion, il y aura 144 000, 12 000 chants. Vous dites, Israël maintenant ne connaît pas qui est qui, on ne sait pas qui est de la tribu de Lévi. Dieu connaît sa semence. Il va les séparer. Il a dit clairement, la maison de Dieu va se séparer. Il va les connaître. Vous comprenez? Ici, il dit qu'ils sont vierges. Ils ne sont pas. Ils n'ont jamais touché des femmes. Ça veut dire que quand ils naissent dans le ventre de leur mère, Dieu les fait uniques. Donc, ça, ce sont les éniques. Ce sont les éniques. On y va. Puis il dit, regardez bien. Car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne savent point trouver des mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Voilà les 144 000. La Bible déclare que ces 144 000 seront sur la terre quand Jésus viendra sur la montagne des Sion. Donc, comme le témoin de Jéhovah dit que depuis le temps de l'apôtre de Pierre, l'apôtre de Paul et autres étaient parmi les 144 000, ce sont des menteurs. Parce que l'apôtre de Pierre ne peut pas être parmi les 144 000 parce qu'il avait une femme. Jacques ne peut pas être parmi parce qu'il avait une femme. Paul même ne peut pas être parmi parce qu'il a déjà fait son parcours. Ceux-ci seront sur la terre à ce moment-là. On n'a pas dit qu'ils sont morts, ils sont ressuscités. On dit qu'ils sont vivants sur la terre. On ne donne pas le Saint-Esprit à ceux qui sont morts. C'est sur la terre qu'on prend le Saint-Esprit. On ne meurt pas en ressuscité, on donne le Saint-Esprit. Le sceau de Dieu est mis sur les vivants. D'accord? Le Saint-Esprit est mis sur les vivants. Le sceau de Dieu est mis sur les vivants. Donc, quand le Seigneur est en train de vouloir faire sa scène, entrer en scène, en Israël, il y aura 144 000 personnes préparées pour lui. D'accord, ma chère? Et donc là, ils seront là pour servir. On dit, ils suivent l'agneau partout. Là, donc, c'est eux qui vont servir. Comme Jésus était venu avec 12 d'Israël, en ce moment-là, cette fois-ci, il sera avec 12 000 fois 12. Et ils seront là en train de le servir. C'est mis dans la Bible. Donc, les témoins de Jéhovah sont des menteurs. Et il n'y a rien dans les Saintes Écritures qui met en relation les 144 000 avec la noce, ou mieux encore avec la Sainte Seine. En Israël, on célébrait la Sainte Seine du temps des apôtres. Après, à Corinthe, on célébrait